D'ailleurs, bon, il n'était pas du tout habitué au débat télévisé, puisque c'est la première fois qu'il y en avait aux États-Unis dans le cadre d'une campagne présidentielle. Il est apparu emprunté, très nerveux, alors que Kennedy avait eu la grâce de l'aristocratie, si vous voulez. Et il a nourri, à cause de cette défaite, une sorte de haine maladive à l'égard des Kennedy. Et donc c'est cet homme-là qui finalement a une carrière un peu chaotique, mais enfin qui a une vraie carrière politique avec des échecs, des succès, qui arrive à la Maison Blanche. Donc vous le dites, ça se passe bien pendant 4 ans, et puis il y a cette affaire. À partir de quand et comment travaillez-vous en tant que correspondant sur cette affaire du Watergate quand elle éclate? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous faites? Quand elle éclate, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Le Washington Post, le lendemain, publie un petit entrefilé, etc. Et l'affaire n'est prise au sérieux que très progressivement. La meilleure preuve en est que durant la campagne, bon, l'affaire arrive au mois de juin, la campagne présidentielle, en pleine campagne présidentielle aux États-Unis. Les élections ont lieu donc le 7 novembre suivant, et jamais vraiment pendant la campagne cette affaire du Watergate n'est invoquée sinon par quelques responsables démocrates. Mais vraiment, le début de l'enquête est limité à quelques articles du Washington Post qui mettent tout quand même en évidence l'implication de services comme le FBI, la CIA et surtout le comité de réélection de Nixon. Parce que il y a bien un moment, vous le dites au début, bon, on n'y prête pas attention, on est dans la dynamique de la réélection de Nixon, de sa force, de son bilan, mais il y a un moment où ça tourne, où l'affaire devient vraiment une grosse affaire. Est-ce qu'il y a pour vous un moment précis, un moment clé où on tombe vraiment dans la grande affaire d'État? La grande affaire d'État, c'est après les élections. Oui, et à quel moment? Après les élections, parce que beaucoup de gens sont persuadés que la victoire de Nixon aux élections, c'est un vrai raz-de-marée, hein, puisque McGovern n'a la majorité que dans 2 ou 3 États. Donc cette victoire va balayer l'affaire. Et s'il n'y avait pas eu l'obstination non seulement de la presse, mais aussi du Sénat, ça passait comme lettre à la poste. Le Sénat, alors justement, vous faites bien de dire le Sénat. Je disais dans le récit, donc il y a une enquête judiciaire et il y a une enquête du Sénat que je qualifiais de capitale. Est-ce que c'est le Sénat qui a fait tomber Nixon plus que tout le reste? Oui. Le responsable politique qui est sans doute le plus important dans la révélation, dans l'aboutissement de l'affaire, c'est le sénateur démocrate Sam Ervin qui présidait la commission et qui n'a pas cédé un pouce. Alors, il faut rappeler d'ailleurs à ce sujet que même si Nixon remporte les élections de 72, la majorité démocrate se maintient au Sénat et à la Chambre des représentants. Et ça, c'est très très important, bien sûr. Alors, il y a aussi le patron du FBI qui parle, qui joue un rôle. Alors, il y a une résonance, on compare ce qui est comparable, bien sûr, hein, mais aujourd'hui, c'est un responsable du FBI qui ressort les mails de Mme Clinton. Bon, le FBI, la police américaine, en charge de la sécurité du territoire intérieur. Pourquoi le FBI intervient comme ça, notamment pendant le Watergate? Qu'est-ce qui lui prend, ce patron du FBI, de dire alors, ce qu'il dit? Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques mois avant l'affaire du Watergate, est mort l'homme qui a dirigé le FBI pendant plus de 30 ans, Edgar Hoover, bien sûr, qui est un personnage peu ragoûtant, qui était obsédé par